Les petits portraits. Il faut que je vous parle de Charlie Santoré, le perceur de coffre-fort. Cette histoire se passe à Los Angeles, aux États-Unis. C'est là que vit Charlie. Il a 49 ans et un métier pas banal. Il ouvre des coffres-forts. Aucun ne lui résiste. Pour Charlie, c'est comme un jeu d'échecs. Il faut être patient, stratégique et connaître par cœur tous les coffres qui existent. À chaque fois qu'il en ouvre un, il a l'impression de pénétrer dans l'esprit de quelqu'un et découvrir ses secrets. Parmi toutes ses missions, deux l'ont beaucoup marqué. En 2017, un couple qui rénovait une maison l'a appelé pour ouvrir un coffre-fort abandonné par le précédent propriétaire. À l'intérieur, Charlie n'avait jamais vu un tel magot, des montres et des bijoux qui valaient plusieurs millions d'euros. Il a aussi aidé un couple quelques heures avant leur mariage. Leurs alliances étaient enfermées dans un coffre qui ne s'ouvrait plus. En fait, Charlie a des centaines d'anecdotes à raconter. Ça donne envie de le rencontrer, non ? Il faut que je vous parle de Michel Leclerc, le directeur du plus petit cinéma de France. Cette histoire se passe à Mons-en-Montois, en Seine-et-Marne. Michel est un ancien réalisateur de documentaires, passionné de cinéma. Lorsqu'il prend sa retraite, il a peur de s'ennuyer. Alors il décide d'ouvrir un cinéma dans son village de 471 habitants. Il veut y faire découvrir des films rares, du monde entier, des films que l'on ne voit jamais dans les grandes salles. Touché par son projet, des voisins lui prêtent une petite ferme inoccupée. Il la rénove avec des amis et en 2002, son cinéma ouvre enfin au public. Il accueille jusqu'à 56 spectateurs qui peuvent profiter de films soigneusement sélectionnés par Michel, garantis sans publicité ni bande-annonce. Aujourd'hui, Michel a 90 ans. Chaque semaine, plus de 150 personnes viennent voir ses films. Certains font plusieurs dizaines de kilomètres. Mais fin 2018, faute d'argent, le cinéma a failli fermer. Heureusement, grâce aux dons, il continue d'exister. Ça donne envie d'y aller, non ? Il faut que je vous parle de Sarah Marquis, l'aventurière. Cette histoire se passe un peu partout dans le monde car Sarah ne tient pas en place. À 17 ans, elle part toute seule explorer la Turquie à cheval alors qu'elle ne sait même pas en faire. Puis elle découvre l'Australie et l'Amérique du Sud. Mais c'est en Nouvelle-Zélande qu'elle trouve sa vocation, devenir aventurière. Souvent, les préparatifs de ses expéditions lui prennent plus de temps que le voyage lui-même. Car Sarah part toujours seule, avec des tentes et un sac à dos de 30 kilos dans lequel elle range le minimum vital. Elle a traversé les États-Unis à pied en 4 mois, parcouru la cordillère des Andes pendant 8 mois et passé un an et demi à marcher dans le désert australien en se nourrissant d'insectes, de racines et de plantes. En 2010, elle décide de relier à pied la Sibérie et l'Australie. Elle traverse 6 pays, passe du froid glacial au désert brûlant, affronte des tempêtes de sable et des coulées de boue, entend des loups tourner autour de sa tente et se baigne avec des éléphants. Sa dernière expédition s'est déroulée en 2018 en Tasmanie, une île proche de l'Australie. Sarah est partie à la recherche du loup de Tasmanie, officiellement disparu depuis 1936. Elle a traversé seule le sud-ouest de l'île, qui abrite l'une des dernières forêts primaires inexploitées par l'être humain. Sarah a passé 3 mois sous la pluie, dans une végétation si dense qu'elle s'est sentie comme enfermée dans une prison. Elle devait avancer à 4 pattes en évitant les serpents venimeux, a manqué de se faire écraser par un arbre tombé à quelques mètres de sa tente et s'est cassé l'épaule en tombant dans un ravin. Aujourd'hui, à 47 ans, Sarah a passé la moitié de sa vie à parcourir le monde. Si l'on met bout à bout toutes ses expéditions, Sarah a fait une fois le tour de la Terre. Ça donne envie de voyager, non ?